طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours 53 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, le sharh de Kitab al-Tawhid, qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahhidin, qui est le sharh de son petit-fils, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et avec les commentaires sur ce sharh qui est le commentaire de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, et on est rendu toujours dans le chapitre Babun al-Khawfu min al-Shirki, hein, la peur du shirk. Hein, et on a lu déjà par rapport à ce chapitre-là l'explication des deux premiers versets, puis on est rendu maintenant au hadith que le Cheikh a cité, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que la chose qu'il craint le plus pour les musulmans, c'est le shirk mineur. Donc, il a cité le cheikh Abdurrahman ibn Hassan dans son sharh, il cite le hadith au complet, tandis que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lui, il a seulement mentionné une partie qui était importante, la partie importante du hadith, c'est-à-dire la partie qui comprend l'élément que lui, sur lequel lui il voulait se concentrer pour établir le lien avec le chapitre. Sauf que quand on lit l'histoire du hadith au complet, c'est-à-dire le hadith dans son entièreté, eh bien on voit le contexte encore plus. Et ici le cheikh il mentionne que le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad et al-Tabarani et al-Bayhaqi, hein, selon Mahmoud ibn Labid. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, parmi les choses qu'il craignait le plus pour sa umma, c'est le shirk mineur. C'est-à-dire, quand on lui a posé la question, il a dit c'est ar-riya. Donc on a lu le début d'explication par rapport à ça dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Maintenant on va continuer avec la suite. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit فَإِذَا كَانَ يَخَافُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ وَحَّدُوا اللَّهَ فِي الْعِبَادَةِ وَرَغَبُوا إِلَيْهِ وَإِلَى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ فَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَنْ كَفَرَ بِهِ وَعَرَفُوا مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ نَبِيُّهُمْ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه. Donc le cheikh il explique, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait peur, hein, il avait peur du shirk mineur pour ses compagnons, alors que ce sont ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala et appliqué le tawhid d'Allah dans l'adoration et qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné de faire et qui ont établi son obéissance et qui ont fait la hijra dans le sentier d'Allah et qui ont lutté, tous ceux qui ont renié la foi en lui et qui ont connu, hein, ce à quoi leur prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur son messager comme livre au sujet de la pureté dans la croyance et dans l'adoration et le fait de se désavouer du shirk. Alors, si eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient peur à leur sujet par rapport au shirk mineur, alors comment dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a pas le même degré qu'eux et la même affiliation qu'eux à la science et à la pratique, comment eux ne pourraient-ils pas, eux, avoir encore plus peur du shirk, hein? Et d'avoir encore plus peur même de qu'est-ce qui est plus grave que le shirk mineur, c'est-à-dire le shirk majeur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé à propos de sa umma qu'il y allait se produire à l'intérieur de celle-ci des formes de shirk majeur. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'il y allait avoir et qu'il y allait se produire des formes de shirk majeur dans cette umma, dans le hadith qui est rapporté selon Thauban, hein, le hadith qu'on va mentionner plus loin dans le Kitab al-Tawhid. Le hadith rapporté par Thauban, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que un groupe des tribus de ma umma va se rallier aux mushrikin, hein, va rejoindre les mushrikin, et jusqu'à ce que certains de ma umma, certains groupes de ma umma adorent les idoles, jusqu'à ce que certains groupes de ma umma adorent les idoles. Et le cheikh, il dit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, ce qu'il avait mentionné ou ce de quoi il nous avait informé par rapport à cette chose-là, eh bien, ça s'est produit déjà. Et c'est quelque chose qui est devenu généralisé dans certaines régions et dans certaines contrées du monde musulman, jusqu'à ce que certains le prennent même comme une forme de religion. Même c'est devenu pour eux, c'est ça la religion pour eux, l'adoration des tombes et des morts, hein, et des idoles en dehors d'Allah. Donc ça fait partie des signes clairs, hein. Et il y a des versets clairs qui indiquent que ça c'est interdit et des hadiths authentiques qui interdisent cela et qui ont pour but d'effrayer les gens, hein, vis-à-vis de ce grave péché-là. Maintenant, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan par rapport à ces points. Ici, le Cheikh explique premièrement que l'auteur Al-Musannif, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « Saqahu min ghayri an ya'azuhu fa'azahu al-sharih » C'est-à-dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité juste que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, sans mentionner la source du hadith, sans mentionner qui l'a rapporté. Et lui, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a mentionné que c'est l'imam Ahmad al-Tabarani et al-Bayhaqi qui l'ont rapporté selon Mahmoud ibn Labid. Ensuite, le Cheikh al-Fawzan, il dit « Min alamat al-sa'a » par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, que des groupes, des tribus de sa umma vont rejoindre les mushrikines. Il dit, le Cheikh al-Fawzan, à ce sujet-là, « Wa min alamat al-sa'a » أن جماعات من هذه الأمة يلحقون أو يلحقون بالمشركين يعني يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل سواء كانت أصناما منحوتة أو منحوتة أو قبورا وأضرحة لا فرق في ذلك وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فمن يقول إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك فهو مخطئ بل يقع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة ويقولون إن أهل البلاد الفلانية لا يقع فيهم شرك لأن البلد مصونة ومحمية من عند الله فأهلها كلهم أهل توحيد ولا يقع منهم شرك ولو كانوا يدعون القبور ويعظمون الموتى أو يقول أحدهم أنا من المسلمين وأعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين فلا يقع مني شرك نقول كل هذه اعتبارات لا قيمة لها والإنسان يقع منه الشرك في أي مكان ويقع منه الشرك ولو كان ما كان من العلم والمعرفة لا يأمن الشرك على أحد. Donc le cheikh il mentionne ici un point, c'est que parmi les signes de l'heure du jugement dernier, il y a des groupes parmi cette umma qui vont rejoindre les mushrikin, c'est-à-dire qu'ils vont adorer les idoles en dehors d'Allah. Peu importe que ces idoles soient sculptées ou que ce soit des tombes ou des tombeaux, hein, il y a pas de différence. C'est la même chose. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les idoles, c'est seulement une statue. Quelque chose qui est sculpté et que les tombes et les tombeaux qui sont adorés en dehors d'Allah, ça ne rentre pas dans les catégories qu'on appelle idoles. Mais le cheikh, il dit non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de différence. Que ce soit une sculpture ou autre, peu importe l'objet, peu importe la chose, si on l'adore en dehors d'Allah, ça rentre dans les idoles. Ça devient une idole, même si à la base, elle n'était pas une idole. Et le cheikh, il dit, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, eh bien, ça s'est produit. Hein? Donc, celui qui pense qu'il n'y aura pas de shirk qui va se produire dans cette umma, eh bien, c'est clair qu'il est dans l'erreur. Il va y avoir du shirk dans cette umma. De la même manière qu'il y a eu du shirk dans les nations précédentes. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens qui vont tomber dans l'erreur de faire le shirk et qui vont commettre du shirk, yani volontairement ou involontairement. Et le cheikh, il dit ici, et certaines personnes prétendent que les gens de tel ou de tel pays, parmi les pays musulmans, ils ne peuvent pas tomber dans le shirk parce que ce pays-là est protégé par Allah et les habitants de ce pays-là sont tous sur le tawhid, donc il ne peut pas y avoir du shirk. Et il dit que même s'ils invoquent des tombes ou qu'ils adorent des tombes ou qu'ils vénèrent les morts, hein, ou bien comme certains d'entre eux disent, je suis musulman, je vis avec les musulmans, je suis dans un pays musulman, hein, donc je ne veux pas faire du shirk. Donc le cheikh, il dit, toutes ces considérations-là n'ont aucune réalité, aucune valeur réelle. En réalité, tout ça, ça ne veut rien dire. Le fait que tu sois musulman, dans un pays musulman, que tu vives parmi les musulmans, que ton pays soit un pays qui est sur le tawhid ou peu importe, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber dans le shirk. Il dit que l'être humain, hein, il peut tomber dans le shirk, peu importe l'endroit où il vit, même dans un pays musulman. Et il peut tomber dans le shirk, hein, même si il est dans un endroit où il y a de la science, où il y a de la connaissance, et il y a aucune personne qui est en sécurité ou à l'abri de tomber dans le shirk. Hein? Donc ça veut dire qu'il faut toujours rester alerte et toujours rester sur ses gardes pour faire attention justement de ne pas commettre du shirk ou de ne pas tomber dans le shirk. Ça, c'est extrêmement important. Après, le cheikh, il continue à expliquer un petit peu plus de détails par rapport au hadith qu'on a mentionné sur le fait que parmi la Ummah, il y en a des groupes qui vont adorer les idoles. Il dit, « Akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an wuku'i shirki fi hadhihi l'umma. Wa waqa'a kama akhbar sallallahu alayhi wa sallam. Wa ha hiya al-qubur wa l'adrihati tu'abadu min dunillahi alanan. Bal innahum fi akhir al-zaman tu'adu l'asnam. Wa tu'adu dhul-khalisa. Wa tu'adu l'asnam allati kanat fi al-jahiliyyah. ربما يكون الدعوة إلى إحياء الآثار الآن مقدمة لعبادة الأصنام ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh, il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé que le shirk allait se produire dans cette umma. Et il s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Et voilà qu'il y a des tombeaux et qu'il y a des tombes qui sont adorées, hein, en dehors d'Allah de façon apparente, de façon divulguée, claire. Hein? Et même que le cheikh, il dit qu'à la fin des temps, les idoles vont revenir. Les idoles que les mouchriquins adoraient même à l'époque. Yani Allat, Wal-Uzza, Wazul-Khalisa. Toutes ces idoles que les mouchriquins adoraient dans la Jahiliya, elles vont réapparaître. Hein? Et le cheikh, il dit, et même que peut-être que les gens qui appellent aujourd'hui à faire revivre les trucs anciens là, hein, comme par exemple ils vont dans les différents endroits, des anthropologues ou bien des gens qui font des recherches. Ils creusent dans la terre pour retrouver des pour retrouver des anciennes, des choses d'anciennes civilisations ou des anciennes, des choses anciennes qui ont été ensevelies ou enterrées. Hein. Eux, ils vont, ils creusent et puis ils ramassent des affaires anciennes. Des fois, c'est des statues, des poteries, des choses comme ça. Et puis, des fois aussi, c'est des anciennes statues, des anciennes idoles que les gens adoraient. Ils les rénovent, ils les ramènent et ils les exposent dans des musées ou dans des choses comme ça. Hein? Puis, ils disent, ça, c'est des souvenirs, pas des souvenirs, mais il y a un terme qu'ils utilisent. J'ai oublié le terme, qu'est-ce qu'ils emploient comme... Hein? Ben, ils utilisent aussi les reliques, parce qu'il y en a qui considèrent que c'est comme des reliques sacrées ou des choses comme ça. Mais aussi, c'est comme des... comment on dit le terme? En tout cas, c'est comme des comment... En tout cas, c'est un peu énervant quand tu as un mot sur le bout de la langue. Bon, un frère qui me dit les archéologues. Ouais, les archéologues, ça peut être ça, mais moi je parle surtout des objets que ces archéologues-là découvrent. Hein? Donc, en tout cas, à la kouliha, c'est pas grave. L'important, c'est que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. C'est que on a remarqué, comme ils le font par exemple en Égypte, ils vont dans les pyramides, ils vont dans les anciennes cités abandonnées. Et ils déterrent et ils trouvent des statues, des idoles, des choses comme ça. Ils vont en Irak, ils vont en Irak, ils trouvent des anciennes statues que les gens adoraient avant. Ils les déterrent et ils les rénovent, ils les refont. Hein. Ils vont dans toutes les différentes régions du monde rechercher les anciennes civilisations et les objets que les gens ont laissés. Hein. Et le cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il explique par rapport à ça? C'est que le fait de vouloir faire revivre ces œuvres-là ou ces créations-là, c'est peut-être même justement un prélude ou bien une introduction hein, par rapport à qu'est-ce qui va suivre plus tard de l'adoration de ces idoles-là. C'est-à-dire que peut-être que dans peu de temps, on va voir qu'ils vont présenter aux gens ces différentes statues, ces différentes choses, puis ils vont dire aux gens, « Ah, ça, c'était les idoles qui étaient adorées dans le temps. Les gens, ils adoraient ces statues-là. » Donc, les gens, ils vont prendre ça comme des œuvres d'art ou bien des sortes de... Comme si pour dire, c'est notre héritage, hein, c'est notre héritage culturel. C'est notre histoire. Hein? Et ça, c'est au début, ils vont regarder ça comme si pour dire c'est une sorte de patrimoine. Puis, petit à petit, il y en a qui vont commencer à essayer de revenir à dire aux gens et finalement, pourquoi on ne les adorerait pas nous aussi comme nos ancêtres hein? Puis, petit à petit, comme ça, ils vont tomber dans le shirk. Hein? Comme c'est arrivé à l'époque de Nuh, alayhi salam, hein? Et d'autres. Donc, tout ça, c'est pour dire que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a avertis de ça. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous amener à prendre les choses très au sérieux et d'avoir peur hein, du shirk. Le cheikh, il dit ensuite par rapport à ça justement, « فَلَا يُتَسَاهَلُ فِي الشِّرْكِ وَلَا فِي أَسْبَابِهِ بَلْ يَجِبُ قَطْعَ عُرُوقِهِ وَقَطْعَ أَسْبَابِهِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ » Donc, il dit, il ne faut pas prendre le shirk à la légère et il ne faut pas non plus prendre les causes du shirk à la légère, même qu'il faut complètement lui couper les veines hein, et couper toutes les choses qui peuvent être une cause pour que les gens tombent dans le shirk et d'avertir contre tout ce qui peut amener les gens au shirk. Hein. C'est-à-dire, il faut être très, très strict et très sérieux sur ces sujets-là parce que le shirk, ce n'est pas quelque chose... apprendre à la légère et c'est pas quelque chose qu'il faut dire yani ah c'est pas grave parce qu'on voit l'attitude parfois de certains musulmans hein, Allah al-musta'an de penser que justement l'idolâtrie c'est pas si grave que ça finalement. Hein? Il y en a qui ont cette mentalité-là. Allah al-Musta'an. Tu rentres des fois chez des musulmans, hein, ou certains musulmans, tu trouves des statues de Bouddha, des trucs comme ça. Tu dis, mais comment? Hein? Toi, tu es musulman, tu as des statues de Bouddha chez toi. Hein? Il dit, ouais, c'est une décoration. Comment ça, une décoration? Hein? Ça commence comme ça. Les gens, ils font ça, puis finalement, après, yani, ils ne réalisent pas, mais ils commencent à les adorer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, hein, insister sur ça. Et le cheikh, il dit ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue son explication. Il dit, كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به هذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فاختطفه فتخطفه فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. Donc on va expliquer ce passage-là. Le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 72 dans Sourate Al-Ma'ida, certes, quiconque fait le shirk avec Allah, certes, Allah lui interdira le paradis et son refuge sera l'enfer. Et il dit que dans l'autre verset, qui est le verset yani, c'est le verset 30 et 31 dans Sourate Al-Hajj. Il mentionne dans ces deux versets-là un autre point aussi. Est-ce que c'est ce verset? Sourate Al-Hajj 30 et 31. Fajtanibu rijsa min al-awthan. Naam. C'est ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie « Abstenez-vous donc de la souillure des idoles » et abstenez-vous des paroles mensongères. Soyez exclusivement acquis, hein, à la religion d'Allah, c'est-à-dire soyez des hunafa. Soyez des hunafa à l'Illah, c'est-à-dire des gens qui penchent entièrement et uniquement vers Allah et qui se détournent de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Hein? Donc soyez des hunafa, hein, qui adorent uniquement Allah et qui n'associent rien avec lui, qui ne font aucune forme de shirk avec lui. Et il dit dans le verset, dans le même verset 31 à la fin, hein, il dit, c'est-à-dire que, avant de terminer le verset, il explique, il dit, c'est-à-dire que ça, le fait d'être un hanif, d'être un hunaf, de faire partie des hunafa, de purifier notre adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah et de ne rien associer avec lui, c'est ça la réalisation et la concrétisation et la purification du tawhid, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Et il dit ensuite, pour avertir ses serviteurs vis-à-vis du shirk, il dit, car quiconque fait le shirk avec Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, hein, pendant qu'il tombe. Ça dit, il est en train de tomber en chute libre. Hein? Quand il fait le shirk, c'est comme s'il était en train de tomber en chute libre. Qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un est en train de tomber en chute libre? Ça veut dire qu'il s'en va et il sait en tombant qu'il s'en va vers sa perte. Hein? C'est-à-dire qu'il est en train de tomber, puis il voit le sol qui se rapproche de plus en plus vite, hein, vers lui, et il sait que tôt ou tard, il va s'écraser par terre. Et non seulement ça, pendant qu'il est en train de chuter, les oiseaux, comme des aigles ou bien des faucons, qui viennent le happer de tous les sens, hein, pour lui arracher des morceaux. Donc, tout ça, c'est pour dire la réalité du danger que représente le shirk. Et il l'explique aussi par une autre image, c'est où le vent le précipitait dans un abîme très profond. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au bord d'un gouffre ou d'un abîme et qu'il y a un vent très très fort qui le pousse et qui le fait tomber dans cet endroit qui est profond. Hein? C'est la même chose. Ça, c'est la réalité du shirk. Hein? Ça, c'est la réalité du shirk et le danger que le shirk représente. Donc, il dit, si quelqu'un entend ces versets-là, puis que ça ne lui fait pas peur de faire le shirk dans l'adoration, et ça ne le fait pas arrêter de commettre le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, lorsqu'ils réfléchissent sur leur sens, alors il n'y a pas de remède pour cette personne. Il n'y a pas de solution pour lui. Hein? Il est perdu. Parce que ces versets-là sont vraiment effrayants si quelqu'un réfléchit. Et le cheikh, il dit ensuite, « قَوْلُهُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » Donc là, il explique l'autre hadith qui est mentionné dans le chapitre. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو الله أو من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. C'est-à-dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir cité ce hadith, il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt alors qu'il invoque un égal avec Allah, hein, il invoque un seigneur avec Allah ou un égal avec Allah, il entrera en enfer. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique maintenant ce hadith. Mais avant, on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan en premier. Il dit « Hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu fihi anna man mata ala shirk dakhala an-nar. Kama qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-mushriku laysa lahu ma'wa illa an-nar wa la tama'a lahu fi dukhul al-jannati idha mata ala shirk. أما لو تاب إلى الله من الشرك قبل الموت فإنه يغفر له ويدخل الجنة فالعبرة بالخواتيم فإن مات على التوحيد دخل الجنة كما في الحديث الذي بعده وإن مات على الشرك دخل النار ومن يدري متى يموت ومن يدري متى يموت الموت غيب لا يعلمه إلا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ربما يكون الموت أقرب شيء إلى الإنسان ففيه الحذر من سوء الخاتمة وفيه أن من مات على الشرك فلا مطمع له في الجنة ولا في رحمة الله عز وجل فهذا مما يوجب على الإنسان أن يسأل الله حسن الخاتمة ويوجب عليه إذا كان على شيء من الشرك أن يبادر بالتوبة ولا تأخذه المكابرة والمعاندة والتقليد الأعمى أن يبقى على شركه ويقول أهل البلد والناس كلهم على هذا فيهلك نفسه والعياذ بالله وعليه المبادرة بالتوبة من الشرك لأن لا يموت عليه فيدخل النار. نعم. Donc le cheikh il explique que le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, que celui qui meurt alors qu'il commettait du shirk, il va rentrer en enfer. C'est comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 72 dans sourate Al-Ma'ida qu'on a lu tout à l'heure. Quiconque fait le shirk avec Allah, Allah lui a certes interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Donc le mushrik, il n'aura pas de refuge, hein, excepté l'enfer. Et il n'aura pas avoir aucun espoir de pouvoir rentrer au paradis. Il ne pourra avoir aucun espoir de rentrer au paradis s'il meurt sur le shirk. Tandis que s'il se repent à Allah d'avoir commis le shirk avant la mort, alors dans ce cas-là, Allah va lui pardonner. S'il se repent du shirk avant sa mort et qu'il meurt sur le tawhid, alors dans ce cas-là, Allah va lui pardonner et le faire rentrer au paradis. Donc ça veut dire que le plus important pour quelqu'un, c'est comment il va conclure sa vie, comment il va terminer son existence. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va mourir sur le tawhid ou non? Même s'il a vécu toute sa vie dans le shirk, puis qu'il meurt sur le tawhid, il va aller au paradis. Tandis que s'il a vécu toute sa vie sur le tawhid, puis qu'avant de mourir, il fait le shirk, il va aller en enfer pour l'éternité. Donc la fin, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui va déterminer son sort. Alors le cheikh, il dit, celui qui meurt sur le tawhid, il va rentrer au paradis, comme c'est mentionné dans les hadiths qui viennent après. Et il dit, yani, que celui qui meurt alors qu'il est dans le shirk, il va rentrer en enfer. Alors, qui peut garantir ou qui peut savoir quand est-ce qu'il va mourir? C'est ça, en fait, c'est ça le plus inquiétant dans cette affaire. C'est pas, hein, de savoir, par exemple, où tu es aujourd'hui nécessairement, parce que d'être sur quoi tu es aujourd'hui, c'est important. Hein? C'est-à-dire, c'est ça qui détermine par rapport à ton sort, inshallah, après ta mort, comment tu vas, sur quoi tu vas être, ou comment tu, où tu vas aller, au paradis ou en enfer. Mais tant que t'es pas mort, hein, tant que t'es pas mort, tu ne sais pas comment tu vas terminer. Tant que t'es pas mort, tu sais pas comment tu vas terminer ta vie. Et donc, quand est-ce que tu vas mourir? Peut-être que quelqu'un il va mourir aujourd'hui, peut-être qu'il va mourir dans 1 an, peut-être qu'il va mourir dans 10 ans, on ne sait pas. Hein? La mort, c'est quelque chose d'invisible pour nous, c'est quelque chose d'inconnu pour nous. Ça fait partie du raïb. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait quand on va mourir. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 34 dans sourate Luqman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Donc, peut-être que la mort, elle est plus proche, hein, de quelqu'un que qu'est-ce qu'il s'imagine. Donc, il faut faire attention à la mauvaise fin. Il faut faire attention de ne pas terminer ta vie et de mourir sur le shirk. Parce que sinon, tu n'auras aucun espoir, hein, de pouvoir avoir le paradis ou de pouvoir obtenir une miséricorde de la part d'Allah. Donc, ça fait partie des choses que l'être humain doit toujours demander à Allah. Oh Allah, donne-moi husn al-khatima. Donne-moi husnul khatima. Husnul khatima, ça veut dire la bonne fin, hein, la bonne conclusion de ma vie. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous indique que une des choses qui est obligatoire pour quelqu'un, hein, c'est de se repentir le plus vite possible de quelconque forme de shirk qu'il aurait commis. Si jamais tu commets un péché ou un shirk, que ce soit mineur, ou que ce soit majeur, ou peu importe, tu te repens tout de suite et tu demandes pardon à Allah et tu reviens, hein, à la foi. C'est comme, par exemple, certains frères, parfois, ils posent la question, il y a des sœurs aussi, hein, ils disent, oh, je pense que j'ai commis du shirk, ou oh, je pense que que je suis tombé dans le kouf, ou je pense que j'ai dit une parole de kouf, qu'est-ce que je dois faire, hein? Mais si tu penses que tu as fait du shirk, ou si tu penses que tu as fait du kouf, l'obligation, c'est de te repentir sur le champ et de revenir à l'islam automatiquement, hein? Tout de suite, sur le champ, tu demandes pardon à Allah et tu reviens à l'islam. Tu fais ton shahada encore une fois. Tu renouvelles ta foi. Et le shahada, on le fait régulièrement dans la journée. À chaque prière, on fait le shahada. À chaque adhan, on fait le shahada. Hein? Après la prière, on fait le shahada. Toute la journée, on fait le shahada. Tout le temps. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. On le fait régulièrement pendant la journée. Peut-être une centaine de fois, on le dit. Hein? Donc, ça, à chaque fois que tu le dis, avec foi et avec compréhension, ça renouvelle ton tawhid à chaque fois. Hein? Donc, si jamais quelqu'un, par exemple, il a fait une erreur, ou il a fait un acte de shirk, ou il a fait un acte de kufr, ou peu importe, c'est pas fini pour lui. Il y en a des gens qui disent, par exemple, « Ah, oh, j'ai commis un acte de shirk, ça y est, je suis perdu. » Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent tout. Ils lâchent la salat, ils lâchent le jeûne, ils lâchent la religion au complet. Parce qu'ils disent, « Ça y est, j'ai commis du shirk, je suis perdu. » Non, tu as commis du shirk ou tu as fait du kufr, tu te repens tout de suite. Tu reviens à Allah, tu demandes pardon et tu purifies ta religion, tu te corriges et tu reviens à l'islam. Automatiquement, tout de suite, tu reviens à l'islam, tu demandes pardon, tu fais ton shahada et aussitôt Allah il te pardonne et tu rentres dans sa grâce et dans sa miséricorde. Tu vas pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Hein? Ça, c'est pas permis. Donc ça, c'est une chose importante à se rappeler, d'accord? Et le cheikh, il dit, donc, tu dois te précipiter à la repentance et tu ne dois pas non plus t'enfler d'orgueil ou rentrer dans l'arrogance et de t'obstiner hein, dans le shirk ou bien de te baser sur le suivi aveugle de tes ancêtres ou de ta famille ou de tes proches ou des gens de ton pays, comme des gens par exemple, hein, on leur parle de l'islam et du tawhid, ils disent « Oh mais chez nous là on ne fait pas ça, hein, ou bien chez nous on pratique ça, là c'est normal, il n'y a pas de problème. Hein. » Ils adorent des tombes. « Oh oui, dans mon pays on fait ça, c'est normal. » Yani, subhanallah, est-ce que toi tu vas yani, essayer de justifier le shirk parce que les gens dans ton pays font le shirk, donc tu veux le rendre correct, tu veux le rendre licite, et tu veux rendre cette chose-là quelque chose d'acceptable, hein? Donc qu'est-ce que tu vas dire à Allah au jour de la résurrection? Oh Allah, j'ai fait le shirk parce que les gens de mon pays faisaient le shirk, donc ça veut dire que c'est correct? A'udhu billah. Les versets du Coran sont multiples, sont innombrables sur l'interdiction du shirk et l'ordre d'adorer Allah seul et de façon exclusive et pure. Donc comment tu peux toi venir avec des arguments aussi stupides et faibles que de prétendre que parce que les gens de ton pays ils font quelque chose, ça veut dire que ça le justifie ou que ça le rend halal ou que ça le rend quelque chose d'acceptable ou de bien, hein? Non, a'oudhou billah. Ça, c'est tout à fait inacceptable et inadmissible et rejeté. Hein? Donc, il faut comprendre ça. C'est très, très important. Il y a des gens comme ça, ils disent, oui, mais ça, c'est notre culture, c'est notre tradition. Dans notre pays, là, ou dans notre région, nous on fait ça. Hein? On vénère les tombes, on vénère les awliya, on vénère les saints, on va à leur tombe, on leur fait des invocations, on leur fait des douas, on leur fait des sacrifices. On les invoque, on fait des vœux pieux pour eux, et ainsi de suite. On les appelle au secours quand on a des malheurs. Ça, c'est normal pour nous. Il n'y a pas de mal là-dedans. Hein? On n'est pas des Saoudiens. Nous, on n'est pas. Hein? On ne prend pas notre religion de l'Arabie Saoudite. Comme s'ils pensent, eux, que le tawhid, c'est quelque chose qui a rapport avec l'Arabie Saoudite, dans le sens qu'ils s'imaginent que. Il y a quelque chose qui est nouveau là-dedans et que c'est l'Arabie Saoudite qui l'a inventé. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah. Hein? Allah, il l'a révélé à son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est né à Mecca. Hein? En Arabie, aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas important comment ça s'appelle le pays ou le nom de la dynastie et des dirigeants qui dirigent cette contrée. L'important, c'est que qu'est-ce qu'ils enseignent et qu'est-ce que les ulama de ce pays-là enseignent, c'est en accord et ça correspond à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné dans le Coran à l'humanité et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans sa sunna. Et tant que ça c'est en accord, eh bien on n'a pas de raison de le critiquer ou de le rejeter juste parce qu'on n'est pas, content avec les gens d'un pays ou les dirigeants d'un pays, comme certains qui se permettent de critiquer ou de dénigrer les gens d'un pays juste parce qu'ils ont quelque chose contre eux ou parce que pour d'autres raisons, il y en a, c'est parce qu'ils sont jaloux ou bien c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont nés sur la bid'a ou dans des bid'a puis ils voient que les gens qui sont sur le tawhid sont les gens par exemple dans ce pays-là, alors ça les dérange, alors ils les critiquent ou ils les détestent à cause de ça. J'ai vu dernièrement des gens, Et c'est comme si des fois c'est presque incompréhensible à quel point ils ont une haine hein, contre l'Arabie Saoudite. Et quand tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là, subhanallah, au point de rejeter la vérité juste parce que un savant et saoudien, ils ne vont pas accepter qu'est-ce qu'il dit, même si c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Pourtant, si c'est un kafir, un athée, un juif ou un chrétien, ils vont lire ses livres, ils vont accepter qu'est-ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, même si c'est faux. Hein? Oui, parce qu'il y en a de ces catégories de personnes-là, tout ce qu'ils ont appris dans leur mentalité, dans leur idée, dans leur vie, dans les universités des koufars en Occident, et ils prennent des koufars tout ce qu'ils disent. Mais du moment qu'un savant qui vient de l'Arabie Saoudite dit quelque chose qui est vrai et qui est dans le Coran et dans la Sunna et qui est supporté par les paroles des salafs et que ça vient d'un savant qui est de l'Arabie Saoudite, ils ne vont pas l'accepter. Et cette caractéristique-là, hein, c'est la caractéristique de Bani Israël et des Juifs qui refusent d'accepter l'islam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas de leur peuple. Hein, faisait pas partie de Bani Israël. Donc, parce qu'il n'est pas de Bani Israël, on n'accepte pas ce qu'il dit. Hein, s'il était de Bani Israël, on l'aurait suivi. Mais parce qu'il n'est pas de Bani Israël, on ne le suit pas. Yani, ça veut dire que eux, ils acceptent juste la vérité si ça vient d'eux. Mais si ça vient de quelqu'un d'autre, ils le refusent. Et ça, c'est la pire forme d'égarement et d'injustice. Hein? Donc, ça, c'est juste en passant. Yani, nasallallahu al-afiyah. Le fait que tu sois d'un pays ou d'une culture ou d'une origine, ça ne doit jamais être un prétexte ou une excuse pour toi pour rejeter ce qui vient d'Allah dans sa révélation ou par la bouche de son messager. La même chose aussi pour certaines pratiques de l'islam que certains musulmans dans certaines régions du monde, ils n'ont pas adopté ou ils n'ont pas accepté, malgré que c'est des choses qui font partie de l'islam, mais parce qu'ils disent « Non, non, non, non, nous, on est de telle origine, on est de tel peuple, ou on est de telle ethnie, et chez nous, on ne fait pas ça. Ceux qui pratiquent ça, c'est des gens de telle région ou de tel pays, et nous, on n'est pas de leur origine, donc on ne le fait pas. » Alors que ça a pas rapport avec l'origine, ici, ça a rapport avec la religion. Et qu'est-ce que ces musulmans-là, de tel endroit, par exemple, qu'est-ce qu'ils pratiquent? C'est basé sur les preuves du Coran et de la Sunna, et ça a été pratiqué par les salafs. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir le pratiquer aujourd'hui. Hein? Donc, de dire, ah, mais non, nous, on n'est pas des Arabes. On ne va pas faire ça. Ça, c'est pour les Arabes. La religion d'Allah, le Coran et la Sunna, c'est la religion universelle pour tout le monde, tous les peuples, que ce soit des peuples qui sont arabes ou non arabes. Et le fait que tu sois non arabe, ça ne te donne pas le droit de refuser ou de rejeter quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire et nous a enseigné de suivre. Hein? Donc ça, c'est extrêmement important en passant aussi. Et le cheikh, il explique ensuite que il ne faut pas utiliser comme ces gens-là l'excuse du suivi aveugle. Hein? Il y en a qui disent, non, mais nous, dans notre madhab, on ne fait pas ça. Hein? Dans notre madhab, on fait ci ou on fait ça, ou on fait pas ci ou on fait pas ça. Ou les gens de notre pays, hein, on fait ci ou on fait ça. Il dit le cheikh, hein, يقول أهل البلد والناس كلهم على هذا. Hein, فيهلك نفسه. Donc c'est ça, il y a des gens qui disent, ouais, mais tout le monde chez nous font ça. Tous les gens dans notre pays, là, on fait tous ça. Donc, lui, d'un côté, il essaie de dire, en voulant dire, est-ce que tu vas tous nous condamner et nous dire qu'on est tous égarés alors que nous tous, on fait ça? Hein? Mais c'est en même temps, il y a une part d'argument émotif, quelque chose de sentimental et d'émotif là-dedans. C'est comme si tu essaies d'amadouer les gens en disant, Tu veux nous condamner tous, hein, à dire qu'on est tous égarés alors qu'on est une grande population à faire cette chose-là, comme si le fait que parce que vous êtes nombreux, ça diminue la gravité de l'égarement ou du péché que vous faites ou de qu'est-ce qui est contraire à la foi. Hein? Donc la question ici, c'est pas à savoir la quantité de personnes qui le font. Hein? Est-ce que c'est mieux parce que c'est un grand nombre de personnes qui font quelque chose qui est faux, hein? Ou qui est kouf, ou qui est shirk, ou qui est bid'a? Parce que vous êtes un grand nombre, ça veut dire qu'on doit l'accepter? Ça devient islamique parce que vous êtes nombreux? Et donc ça voudrait dire que c'est une pratique qui est en accord avec le Coran et la Sunna, mais parce qu'elle est pratiquée par un petit nombre, il faudrait la rejeter? Donc ça, c'est absurde et c'est complètement faux. Et le fait que vous soyez un grand nombre à faire quelque chose, ça ne vous préserve pas et ça ne va pas vous protéger contre le châtiment d'Allah. Vous pensez qu'au jugement dernier, vous allez venir devant Allah pour dire « Ya Allah, tout le monde faisait ça. Donc, il faut que tu l'acceptes parce que tout le monde le faisait. Hein? Eh bien, si on prend cet argument-là, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à 7 milliards d'êtres humains sur Terre aujourd'hui? Parmi ces 7 milliards, il y en a 6 milliards qui font le shirk ou qui ne croient pas en Allah. Et il y en a juste 1 milliard qu'on dit qu'ils sont officiellement musulmans. Et parmi ce milliard-là, combien sont réellement en train d'établir le tawhid et de s'accrocher à la sunna? Hein? Une petite minorité d'entre eux. Donc, comment tu vas dire, toi, pour essayer de justifier qu'est-ce que tu fais hein, par rapport au nombre, quand tu regardes l'humanité tout entière et la grande majorité d'êtres humains qui vivent sont tous, hein, excepté une petite minorité, sur l'égarement. Donc, si c'était une question de nombre, ceux-là, au jour de la résurrection, ils auraient encore plus d'arguments que toi. Hein, pour justifier qu'est-ce qui est faux. Donc, ça n'a pas rapport avec la quantité, mais ça a rapport avec une question, est-ce que c'est la vérité, oui ou non? Et donc, il dit, le cheikh, qu'il faut donc, dans ce cas-là, se précipiter à se repentir de tout ce qui est relié au shirk, et de tout ce qui est contraire à la foi, et de tout ce qui est un péché, pour pas mourir sur ça. Hein? Parce que si tu meurs sur le shirk, c'est fini. Hein, t'as plus aucun espoir par la suite. Après, le cheikh, il dit donc que ce shirk, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique, il dit وَهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنَ الشِّرْكِ أَيْضًا وَالتَّخْوِيفِ مِنْهُ وَالنِّدْ هُوَ الْمِثْلِ وَالشَّبِيهِ فَمَنْ دَعَى مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولهذا حرم الله اتخاذ الشفعاء وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره وذلك ينافي الإخلاص ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله. OK. Donc ici le cheikh il explique et il dit que ce hadith est un avertissement contre le shirk, hein? Quiconque meurt en appelant ou en invoquant avec Allah un égal, il entrera en enfer. Le cheikh il dit ça, c'est un avertissement contre le shirk aussi. Et c'est pour faire peur vis-à-vis du shirk. Et le terme qui est employé dans le hadith, man da'a lillahi niddan, hein? Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Hein? Il invoque un égal avec Allah dans son adoration. Et an-nid, le pluriel c'est andad. Le mot nid, ça veut dire al-mithl wa shabih. C'est-à-dire le semblable ou le pareil, hein, un égal, hein, un équivalent, un semblable. Et on sait qu'Allah n'a aucun égal, aucun semblable, aucun équivalent. Donc celui qui invoque quelqu'un d'autre avec Allah, eh bien, c'est comme s'il prétendait qu'il y avait quelqu'un d'égal à Allah, hein, ou de comparable à Allah, ou d'équivalent à Allah. Hein? Et il dit donc, quiconque a invoqué un être humain qui est vivant ou qui est mort, qui s'est tourné vers lui avec son être entier, son visage, son cœur, et qui l'aime, qui aspire à lui, et qui a peur hein, de lui, et peu importe qu'il lui demande quelque chose ou qu'il ne lui demande pas, alors il a commis le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est bien entendu quelque chose que Allah ne pardonnera pas. Hein? Et le cheikh, il dit, que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de prendre des intermédiaires dans l'adoration. On n'a pas le droit de prendre des intercesseurs ou des intermédiaires entre nous et Allah. On doit uniquement adorer Allah directement. Et donc, celui qui a pris des intermédiaires avec Allah, Allah a interdit de faire ça et il a condamné quiconque faisait cela de façon très sévère. Et il a expliqué que ça c'était interdit. Et la raison de pourquoi c'est interdit de prendre des intermédiaires dans l'adoration avec Allah, c'est parce que c'est quelque chose qui vient en contradiction avec la sincérité dans l'adoration. Le cheikh, il dit donc que celui qui tourne son cœur et son visage à Allah dans tout ce que le serviteur peut craindre ou espérer, ou par quoi il peut se rapprocher de lui et par quoi il va l'adorer dans sa religion, eh bien c'est connu que si quelqu'un se tourne vers un intercesseur pour lui demander quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là il s'est détourné d'Allah, il a détourné son cœur d'Allah vers quelqu'un d'autre. Et ça, ça vient en contradiction avec la pureté qui est exigée de la part d'Allah dans son adoration. Il veut qu'on l'adore avec exclusivité, avec pureté. Et ça vient dans le chapitre de l'intercession, Inch'Allah, qui va suivre dans les chapitres qui vont suivre, Inch'Allah. Par rapport à ces points qu'on vient de lire maintenant, le cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires. Il dit, par exemple, au sujet du shirk et de celui qui demande à autre que Allah ou qui ne lui demande pas, que ça c'est du shirk, s'il prend un intermédiaire avec lui. Cheikh Al-Fawzan, il dit: وَهَذَا هُوَ اتِّخَاذُ النِّدْ لِلَّهِ لِأَنَّ النِّدْ هُوَ الشَّبِيهِ فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءَ فَقَدْ جَعَلَهُ نِدًّا أي مُسَاوِيًا لِلَّهِ فِي الْعِبَادَةِ. Donc le cheikh, il dit ici, la personne qui a pris un égal avec Allah, parce que l'égal, ça veut, ou le semblable, le nid, ça veut dire un semblable, ou un équivalent, ou un égal. Et ici, donc, celui qui fait le shirk, et qui adore d'autres avec Allah, eh bien, c'est comme s'il l'avait placé à égalité avec Allah. Il l'a mis à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi il la met à égalité avec Allah? Dans l'adoration. Donc c'est pour ça que parfois les mushrikines, ils disent: non, on n'a pas mis les idoles ou les intercesseurs, on les a pas mis à égalité avec Allah. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire qu'ils les ont pas mis à égalité avec Allah dans la création, dans la capacité de créer, dans la puissance, le fait qu'ils sont tout puissants, le fait qu'ils ont le contrôle sur l'univers. Ils disent: non, nos intercesseurs, ou ceux qu'on a pris comme intercesseurs ou intermédiaires avec Allah, ils n'ont pas la capacité de créer, ils n'ont pas le pouvoir de nous profiter ou de nous nuire, donc on ne les a pas mis à égalité avec Allah. Et nous, on leur répond, on dit: oui, vous les avez mis à égalité avec Allah. Peut-être pas dans la création, ou la prétention, ou la capacité de prétendre à pouvoir créer quoi que ce soit avec Allah, peut-être, ok, vous n'avez pas fait ça. Mais par contre, vous avez mis ces intercesseurs et ces intermédiaires à égalité avec Allah dans l'adoration que vous leur avez donnée et offert. Parce que l'adoration est quelque chose qui est un droit exclusif à Allah. Et si vous l'offrez à autre que Allah, eh bien, ça c'est clair que c'est du shirk. Ensuite, le cheikh, il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de prendre des intercesseurs et des intermédiaires dans l'adoration, parce que celui qui fait ça, yani Allah l'a condamné de façon très stricte et très sévère. La personne qui prend des intermédiaires entre lui et Allah, c'est comme si, par exemple, il prend des hommes pieux et des saints, ou des prophètes ou des anges. Il les invoque en leur demandant d'invoquer Allah pour eux, ou en disant: prie pour nous, ou يعني demande à Dieu de la miséricorde pour nous, hein, ou des choses de ce genre. Alors que c'est des êtres humains qui sont morts, hein, ou ce sont des êtres humains qui sont morts, ou d'autres qui sont vivants mais qui ne sont pas présents. Non. Donc, ça c'est, hein, c'est comme le cheikh il l'explique, ça fait partie des choses que Allah a interdit. Et par exemple, on va voir des versets dans le Coran qui montrent que ce genre d'intermédiaire, c'est exactement la même chose que les idolâtres faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils adoraient leurs idoles, ils prenaient ces idoles-là comme des intermédiaires entre eux et Allah les a condamnés pour ça. Hein? Donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit: اتخاذ الشفعاء من دون الله الذين يدعون الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينظرون لهم يقولون نحن ما نعبدهم ولكن نريد شفاعتهم نقول هذا هو فعل المشركين الأولين سواء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما قالوا نحن اتخذناهم شركاء لله وإنما اتخذوهم على أنهم شفعاء ووسطاء لهم عند الله. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit, hafizahullah, qu'ils ont pris des shufa'a, des intermédiaires en dehors d'Allah dans leurs adorations, et ceux qui invoquent les tombes ou les morts ou les pieux, hein, les hommes pieux et les gens vertueux ou les saints, hein, ils leur font des sacrifices, ils leur font des offrandes, ils font des vœux pieux pour eux, et ils disent, on les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Hein. Il dit, on ne les adore pas eux-mêmes parce qu'on veut les adorer eux, hein, ou parce qu'on croit qu'ils ont un pouvoir eux-mêmes pour contrôler ou pour créer ou quoi que ce soit. Sauf qu'on veut leur intercession. On veut qu'ils parlent à Allah pour nous, qu'ils demandent à Allah pour nous. Hein. Parce que ce sont des êtres pieux, Allah va les écouter, va les exaucer. Tandis que nous, on est des êtres pécheurs. On n'est pas des. Hein, on n'est pas des gens pieux, on n'est pas des bons musulmans. Donc, on a besoin de ces hommes pieux-là ou de ces femmes pieuses qui vont s'adresser à Allah pour nous. Et le cheikh, il dit, c'est ça, c'est exactement ce que faisaient les premiers mushrikines. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que ceux qui adoraient les idoles, ils disaient que la raison pour laquelle ils adoraient ces idoles-là, c'était exactement pour la même raison. Hein, que ces gens-là aujourd'hui. Et le cheikh, il mentionne le verset 18 dans Sourate Yunus, dans lequel justement Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la réfutation de ce qu'ils faisaient à l'époque des mushrikines. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires. Nos intercesseurs en dehors d'Allah, ou bien auprès d'Allah. Ils vont faire en sorte que nos prières soient exaucées. Ils vont nous rapprocher d'Allah. Hein? Donc, eux, ils n'ont pas dit, oh, mais on va les prendre comme des associés avec Allah, ou on va prétendre qu'ils peuvent créer avec Allah, ou avoir le pouvoir avec Allah. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont seulement dit, on va les prendre comme des intermédiaires et des intercesseurs pour qu'ils demandent à Allah pour nous ou en notre nom pour nous faire miséricorde ou pour nous pardonner ou pour nous donner ci ou ça. Et yani, ils pensent que le fait qu'ils les prennent uniquement comme des intercesseurs ou des intermédiaires dans l'adoration, que ça, c'est pas du shirk. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a clairement mentionné ici que ça, c'est du shirk. Parce que dans la suite du verset 18, dans Sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Il termine le verset en disant gloire à lui de ce qu'ils font comme shirk. Hein? Gloire à lui de ce qu'ils font comme shirk avec lui. Donc ça, c'est la preuve que le fait qu'ils invoquent d'autres avec Allah en leur demandant l'intercession, hein, que ça, c'est du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit yani que قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Hein? L'intercession, elle appartient tout entière à Allah. Donc, si tu veux l'intercession, hein, de quiconque, tu dois la demander à Allah. C'est à Allah que tu dois demander, hein, l'intercession. Et on sait que l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour les croyants au jour de la résurrection, c'est à Allah qu'elle appartient. Et que si tu la veux, tu ne dois la demander que à Allah. Et personne d'autre que lui. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit donc qu'il faut, hein, se tourner vers Allah et le craindre lui et avoir l'espoir en lui seul et se rapprocher de lui et purifier notre adoration pour lui seul. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit « وَالشَّفَاعَةُ تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مُلْكٌ لِلَّهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ شَفِعْ فِيَّ نَبِيُّكَ وَعِبَادُكَ الصَّالِحِينَ. Donc, il dit, c'est comme j'expliquais, si tu veux l'intercession, tu la demandes à Allah. Tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre que Allah, hein, pour l'intercession, parce que l'intercession, c'est la propriété d'Allah. Ça appartient à Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, « قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. » C'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Donc, si tu la veux, si tu veux l'obtenir, c'est pas à l'intercesseur que tu vas la demander, mais tu vas la demander à celui qui donne la permission d'intercéder, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça, c'est à lui. Et ils disent, par exemple, comme le cheikh il mentionne, il dit, si tu veux demander l'intercession, tu dis, oh Allah, fais que ton prophète intercède pour moi, ainsi que les serviteurs pieux. Donc tu demandes à Allah, hein, qu'il permette que cette intercession-là puisse avoir lieu, et tu ne la demandes pas aux créatures. Hein? Naam. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme pourquoi demander à Allah que quelqu'un intercède pour nous? Ok. Pourquoi dans cette vie, on demande à Allah qu'il intercède pour nous? En fait, c'est pas pour cette vie d'ici-bas qu'on demande l'intercession, c'est pour l'intercession dans l'au-delà. Oui, parce que au jour de la résurrection, on aura probablement besoin que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, intercède en notre faveur. Si on fait partie des gens qui ont commis des péchés ou des choses de ce genre, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, va intercéder pour les hommes, hein, va intercéder pour toute l'humanité. Et c'est Allah qui va lui permettre d'intercéder, mais pour ça, il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut être parmi les gens du tawhid. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut, hein, ne pas demander l'intercession aux créatures, mais la demander uniquement au créateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il dit la suite, le dernier hadith, et on va terminer le chapitre aujourd'hui, inshallah. le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le hadith de Jabir, hein, Jabir ibn Abdullah. Je pense qu'il y en a un autre. Ah non. C'est ça, c'est le dernier hadith. Le hadith de Jabir. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal Man laqiya Allahu la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala al-nar. Qawluhu Man laqiya Allahu la yushriku bihi shay'a hadha huwa al-ikhlas kama taqaddam. وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا هو الشرك فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما المشرك الأكبر أو أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله مالي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. نعم. وقال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعاؤه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. انتهى كلامه. Donc il dit le cheikh pour terminer ce chapitre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme c'est rapporté selon Jabir dans le hadith de Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rencontre Allah sans avoir fait de shirk ou sans avoir rien associé avec lui, il entrera au paradis. Et quiconque rencontre Allah en ayant fait le shirk et en ayant associé avec lui quelque chose, une chose quelconque, eh bien il entrera en enfer. Et il dit ici que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque rencontre Allah sans avoir commis aucune forme de shirk et sans en ayant rien associé avec Allah du tout, ça c'est l'ikhlas, ça c'est la pureté dans l'adoration, comme on l'a expliqué. Tandis que celui qui rencontrera Allah en ayant fait du shirk et en ayant associé quoi que ce soit avec lui, il entrera en enfer, ça c'est le shirk. Et donc quiconque rencontre Allah avec le shirk, il entrera en enfer, peu importe que ce soit peu de shirk ou beaucoup. Tandis que le shirk majeur, eh bien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'œuvre. Celui qui a commis du shirk majeur, c'est comme si toutes ses œuvres sont annulées. Il n'y a plus de bonnes œuvres de toute façon. Donc, il sera éternellement en enfer, comme on l'a expliqué dans les versets précédents. Tandis que le shirk mineur, comme quelqu'un qui fait un peu de ria, un peu d'ostentation, des choses comme ça, ou lorsque quelqu'un prononce des paroles dans lesquelles il y a une implication de quelque chose qui impliquerait du shirk, mais qui n'est pas explicite nécessairement, comme ce que Allah a voulu et toi, ou je n'ai que Allah et toi, d'utiliser la conjonction de dire et, ici ça implique une certaine égalité, donc ça peut donner le sens de quelque chose qui est shirk ici, et ça c'est du shirk mineur. Donc on a dit que dans ce cas-là, la personne ne va pas nécessairement sortir de la foi par rapport à ces formes de shirk mineur, mais on va faire peser les œuvres de la personne pour voir qu'est-ce qui est plus lourd, est-ce que c'est les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres. Et le cheikh, il dit que certains ulama ont limité la négation du shirk, c'est-à-dire certains ulama ont dit que pourquoi ici dans le hadith il y a uniquement la limitation de mentionner que quelqu'un n'a pas commis du shirk. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas la mention aussi de la foi en les messagers? Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre Allah sans avoir fait du shirk avec lui. Il n'a pas dit et en ayant cru aux messagers. Comme c'est dans le témoignage qu'on dit « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Mais ici, il ne mentionne que le fait de ne pas commettre le shirk. Donc, pourquoi ici, il ne mentionne que ça, et pourquoi il ne mentionne pas l'affirmation du messager? Et le cheikh, il explique, il dit parce que le fait d'accepter le tawhid, c'est quelque chose qui implique que la personne ait également affirmé le message du messager aussi. Parce que celui qui renie le messager, il a renié Allah. Et celui qui renie Allah, il est mushrik. Donc, celui qui meurt sur le tawhid en étant croyant en tout ce qui est obligatoire pour quelqu'un qui est croyant de croire, de façon générale lorsque c'est nécessaire, de façon détaillée lorsque c'est nécessaire, alors dans ce cas-là, il est croyant. Fin de la parole, qu'est-ce que les ulama ont dit à ce sujet. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il va faire des commentaires sur ce passage-là. Et on va terminer le chapitre avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith, « Laqi Allah », c'est-à-dire celui qui rencontre Allah. Il dit, « Ya'ni mat »« Liana l'insan idha mat faqad laqiya rabbahu azza wa jal » Yushriku bihi shay'a ay shay'un min al-ashya' b'an yad'u al-awliya wal-salihin aw al-mala'ika aw al-rusul aw al-ashjar aw al-ahjar aw ghayri dhalik li'anna kalimat shay'an tashtamil aw tashmal kull ma yu'badu min dunillahi min hayyin aw mayyitin min jamidin aw mutaharrikin falladhina yaquluna ash-shirk huwa 'ibadatu al-asnami faqat hada min al-jahl wal-ghurur. Donc le cheikh il explique que ash-shirku wa 'ibadatu ghayri Allah sawa'a kana min al-asnam aw ghayriha aw min ghayriha. Donc le cheikh il explique, il dit que quiconque rencontre Allah, c'est-à-dire lorsqu'il meurt, parce que quiconque est mort, il a rencontré son Seigneur, hein? Ça veut dire quiconque meurt alors qu'il a associé quoi que ce soit avec Allah. Et si le cheikh il dit quoi que ce soit, ça implique que tout ce que les êtres humains ont invoqué ou adoré en dehors d'Allah, peu importe que ce soit des hommes pieux, des saints, des anges, des messagers, des arbres, des pierres, tout ça, ça rentre dans l'interdiction ici. Pourquoi? Parce que le terme quelconque, ça veut dire que ça peut être n'importe quoi qui est adoré en dehors d'Allah. Et le cheikh il dit donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit vivant ou mort, que ce soit quelque chose d'inerte ou quelque chose qui bouge ou quelque chose d'immobile, peu importe, hein? Et donc ceux qui prétendent que le shirk c'est seulement d'adorer une statue ou une sculpture, ça c'est faux, hein? C'est de l'ignorance et c'est de la tromperie. La vérité c'est que le shirk ça consiste à offrir une forme quelconque d'adoration à quelqu'un d'autre que Allah, ou à quelque chose d'autre que Allah, peu importe que ce soit une idole ou quelque chose autre qu'une idole. Et ensuite, le cheikh il dit, « Man laqi Allahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar, fa masiru al-mushrik ila an-nar. Wa dalla ala ma dalla alayhi al-hadith alladhi qablahu, alladhi qabla, أنه لو تاب قبل الموت من الشرك ومات على التوحيد أنه يدخل الجنة ففيه الحث على سؤال الله حسن الخاتمة وفيه الحث على التوبة إلى الله عز وجل قبل الموت وفيه أن الإنسان لا يأمن على نفسه من الشرك الذي هلك فيه خلائق كثيرة من الناس من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وهذا مجمل تفصله النصوص الأخرى وإن كان عنده كبائر فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب وإن شاء عذبه بذنوبه في النار ثم يخرجه منها وأما إن لم يكن عنده كبائر فإنه يدخل الجنة بلا عذاب فلا بد يعني من هذا التفصيل. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que celui qui rencontrera Allah en ayant associé quelque chose, une chose quelconque avec Allah, il entrera en enfer. Donc sa destination, la destination du mushrik, c'est l'enfer. Et il dit que le hadith, il prouve donc que, comme le hadith qu'on a mentionné auparavant, il prouve que celui qui se repent avant la mort d'avoir commis le shirk, hein, s'il se repent d'avoir commis du shirk avant sa mort et qu'il meurt sur le tawhid, il entrera au paradis. Et il y a donc ici un encouragement, hein, de demander à Allah la bonne conclusion et la bonne fin de notre vie. Et il y a également ici l'incitation à la repentance et de se repentir à Allah avant la mort. Et il y a ici également que l'être humain ne doit pas se sentir en sécurité de par rapport à sa personne vis-à-vis du shirk, hein, et que yani, c'est ça, il faut pas se baser sur la quantité de monde qui sont dans la perdition et dans l'égarement et essayer de justifier nos actes par rapport à la quantité. Si beaucoup de gens font du shirk, ça veut dire que c'est pas grave. Non, hein, ça va pas te sauver. Et l'autre partie du hadith, quiconque rencontre Allah sans ayant fait de shirk avec Allah, il entrera au paradis, c'est-à-dire celui qui meurt sur le tawhid sans rien associer avec Allah, hein, il entrera au paradis. Et le cheikh, il dit ici que ça c'est un hadith qui est dans son sens général, mais il faut le comprendre dans ses détails par rapport aux autres textes, c'est-à-dire les autres versets et les autres hadiths qui viennent le clarifier et rajouter des explications par rapport à ce hadith-là. Et c'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un il est mort, il n'a pas fait de shirk, sauf qu'il avait commis des grands péchés, des kaba'ir, hein, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner et le faire rentrer au paradis sans châtiment. Et s'il veut, il va le faire... Et il va le châtier pour ses péchés et le faire rentrer en enfer. Puis il va le faire sortir par la suite de l'enfer, hein, une fois qu'il aura été purifié de ces grands péchés-là. Tandis que celui qui meurt sans avoir commis de grands péchés, eh bien celui-là, il entrera au paradis sans châtiment. Hein. Donc il faut rajouter ces détails-là pour vraiment bien comprendre le hadith. Et ça, ces détails-là, on les prend dans les autres explications qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Le Cheikh, il dit ensuite: فهذا إطلاق تفسره النصوص الأخرى على وعلى كل حال الحديث يدل على أن الاعتبار بالخواتيم وأن من مات على الشرك فهو من أهل النار ولو كانت سبقت له أعمال طيبة وأعمال صالحة وأنها تحبط وتبطل بالشرك فإذا مات عليه لن تنفعه أعماله مهما كانت لأن الشرك يحبط الأعمال ولا يبقى معه عمل فهذا الباب بمجمله يعني الآيتين والحديثين يدل على الخوف من الشرك ففيه المطابقة من هذه الأدلة التي ترجم له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الخوف من الشرك عظيم جدا ولا يأمن من الشرك أحد مهما بلغه. Donc le cheikh il dit donc que ça c'est يعني la compréhension des versets de ce hadith, le sens général de ce hadith, on le comprend en se basant sur les autres versets et les hadiths qui viennent le clarifier et expliquer ces détails-là. Il dit, et de toute façon, on comprend que le hadith, il nous prouve qu'il faut tenir compte de notre conclusion, notre fin, la façon comment on termine notre vie. C'est-à-dire qu'il faut rester vigilant jusqu'à la fin et rester sur le tawhid jusqu'à la mort. Et que celui qui meurt sur le shirk, il sera parmi les gens de l'enfer. Et même si la personne avait avant cela fait des bonnes œuvres, hein, des œuvres de bien, mais toutes ces œuvres de bien-là, elles seront annulées et vaines si quelqu'un commet le shirk. Après, le shirk, il dit que si quelqu'un meurt sur le shirk, eh bien, aucune de ses œuvres ne seront utiles pour lui, hein, peu importe la grandeur ou la quantité de ces œuvres-là. parce que le shirk annule complètement la valeur des œuvres de quelqu'un et il ne reste avec cela, c'est-à-dire avec le shirk, aucune œuvre. Et le cheikh, il dit que ça, c'est donc un chapitre. Si on regarde dans son sens général les deux versets et les deux hadiths, ça nous indique qu'il faut avoir peur du shirk. Et il y a également, il y a un sens commun entre les deux versets, les preuves qui sont mentionnées par le cheikh. Il y a un sens commun avec le titre et les versets que le cheikh a cités, ainsi que les hadiths qui nous apportent l'élément qui est établi par ce chapitre-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur du shirk et que la peur qu'on doit avoir du shirk doit être très grande et que personne, peu importe le degré qu'il a atteint dans la religion, ne devrait se sentir en sécurité vis-à-vis du shirk. Ensuite, le cheikh, il fait un autre commentaire par rapport à ça, au sujet du fait que le hadith mentionne uniquement le tawhid sans mentionner le fait que il faut également témoigner que le messager, c'est le messager d'Allah. Bon, avant ça, il y a le point qui parle aussi des questions du shirk mineur. Et à ce sujet-là, le cheikh, il dit « Al-shirkul asghar ikhtalaf al-ulama fihi ». هل يغفر و يعني هل يغفر و ونفي المغفرة خاص بالشرك الأكبر هل يغفر ونفي المغفرة خاص بالشرك الأكبر أو لا يغفر فلا بد من تعذيبه لكنه لا يخلد في النار أو يقال إن رجحت حسناته غفر له الشرك الأصغر وإلا لم يغفر له يعني ثلاثة أقوال في هذه المسألة والصحيح والله أعلم أنه لا يغفر لابد من تعذيبه ولكنه لا يخلد في النار وذلك لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وهذا عام للأكبر والأصغر لكنه لا يخلد في النار بل يعذب على قدر شركه وهذا مما يدل على خطورة الشرك الأصغر. Le cheikh il explique parce qu'il dit que les ulama ont divergé par rapport à la question du shirk mineur. Est-ce que le shirk mineur sera pardonné et qu'il ou bien il nie le pardon dans le verset quand Allah dit qu'il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Est-ce que ça comprend également le shirk mineur ou seulement le shirk majeur? Et le cheikh, il répond, il dit, ou bien est-ce que la personne qui fait le shirk mineur, on va dire qu'il ne sera pas pardonné, sauf qu'il devra être châtié, mais son châtiment ne sera pas éternel. Ou bien est-ce qu'on va peser les bonnes œuvres qu'il a faites ainsi que les mauvaises? Et si les bonnes œuvres sont plus lourdes que les mauvaises, il sera pardonné ou non. Donc, il dit que ça, c'est trois positions chez les ulama, mais la position correcte, il dit, et Allah sait mieux, c'est qu'il ne sera pas pardonné pour le shirk mineur qu'il a commis et il devra être châtié pour ce shirk mineur-là, sauf qu'il ne sera pas éternellement en enfer à cause du verset général qui dit... Le verset 83, le verset 48, ils ont dit 48 aussi, ça. Parce que, le verset 48 dans Sourate An-Nisa qui dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk majeur, c'est ça que ça veut dire, à qui il veut. Mais certains ulama, ils disent non. Ça ne veut pas dire qu'il est moindre que le shirk majeur. Ça veut dire qu'il est moindre que le shirk majeur ou mineur. À qui il veut. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a commis le shirk, ici, le cheikh Al-Fawzan il dit, si quelqu'un a commis du shirk, c'est général. Que ce soit shirk majeur ou shirk mineur, Allah ne va pas lui pardonner. Mais, si c'est du shirk mineur, il ne sera pas éternellement... c'est ça. Si c'est du shirk mineur qu'il a commis, il ne sera pas éternellement en enfer. Il va être châtié selon la proportion de shirk qu'il a fait et ensuite il va sortir de l'enfer. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous indique la gravité du shirk mineur quand même. Hein? Il ne faut pas dire, ah, c'est du shirk mineur, ce n'est pas grave. Hein? Et aussi, ensuite, le cheikh, il dit, par rapport à la partie où il demande, où il parle de la foi en le messager, le cheikh, il mentionne ensuite, il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ce hadith-là, يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما قال من مات وهو موحد بل قال لا يشرك بالله لأن نفي الشرك يستلزم التوحيد ويتضمن التوحيد فالمعنى واحد. Donc ici le cheikh il dit اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. Donc ici le cheikh il se concentre sur un point par rapport à ça, c'est la question du terme qui est employé dans le hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là il n'a pas dit celui qui meurt alors qu'il était sur le tawhid. Plutôt il dit le contraire, celui qui meurt alors qu'il ne faisait pas de shirk avec Allah. Donc, le cheikh, il dit, le fait de nier le shirk, ça implique le tawhid. Ça implique l'affirmation du tawhid parce que le fait d'établir le tawhid, ça implique de ne pas faire de shirk. Et le fait de ne pas faire de shirk, ça implique le fait d'établir le tawhid. Donc, les deux sont ont la même signification en réalité. D'accord? Donc, c'est ce qui conclut ce chapitre. Et maintenant, on a terminé. Donc, le prochain cours, Inch'Allah, on commencera le chapitre numéro 5. Babun ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. C'est-à-dire l'appel ou l'invitation au témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire d'appeler les gens à ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Comment on continuera la suite demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ou bien c'est pas demain, c'est samedi, je crois. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.